Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mémé Germaine. Joyeux anniversaire. Allez, mamie, il faut souffler les bougies. Ah oui, oui, oui. Dites donc, mémé, pour vos 90 dentiers, vous allez bien nous faire un petit discours, hein? Ah, un discours? Ah ben, je préférerais vous chanter une chanson qu'on a écrite avec les autres pensionnaires. Monsieur Tron m'accompagnera à l'orgue électronique. Ouais, formidable! Et ça s'appelle Avant. Allez, 1, 2, 3. C'était mieux que maintenant. Maintenant, c'est plus comme avant. Avant, c'était avant. Avant, c'était le bon vieux temps. Avant, on avait le respect. Et on nous fichait la paix. Maintenant, il n'y a plus de des couplets. Ah bon. Allez. Avant, il n'y avait point de voyous.